mon intervention va porter donc sur les Bretons des nègres blancs. Il y a une illustration qui est extraite d'une des affiches du festival de Douarnenez. L'expression nègre blanc, je ne sais pas si vous avez été amené parfois à la rencontrer. Si on fait une recherche un peu rapide sur Internet, par exemple, sur nègre blanc, une des premières choses qu'on trouve, c'est une expression qui fleure bon l'anthropologie raciale du 19e siècle. C'est pour désigner les noirs albinos. Bon, c'est évidemment pas de ça qu'on va parler. Une autre chose qu'on trouve très rapidement aussi quand on cherche nègre blanc, c'est le titre d'un ouvrage de Pierre Vallière, donc ça doit résonner pour vous, un ouvrage donc de quelqu'un du FLQ, donc Front de Libération du Québec, qui en prison donc a écrit sur les nègres blancs d'Amérique, et les nègres blancs d'Amérique, c'est les Québécois. Hein. Donc c'est une démarche, là c'est un titre slogan, hein, c'est une démarche militante. Ce n'est pas non plus dans ce sens-là qu'on va employer l'expression de nègre blanc, même si ça commence à s'en rapprocher. Mais autrement, en fait, nègre blanc, c'est la traduction en français de white niggers, qui est la façon dont on appelait les Irlandais aux États-Unis au 19e et même une partie du 20e siècle. C'était évidemment une façon très dépréciative, voire injurieuse de les nommer. Et ça nous amène à découvrir tout de suite, donc à travers cette expression, que on est bien conscient que la négritude, le fait d'être noir, c'est un construit, c'est une construction sociale. Et bien évidemment, la blancheur est également une construction sociale. Et donc il y a eu un certain nombre de travaux dans les temps relativement récents sur la whiteness aux États-Unis. Et donc les Irlandais sont une catégorie qui est importante dans cette définition de la whiteness aux États-Unis. Donc voilà une illustration qui est très, très, très frappante, qui a été publiée donc en 1876 aux États-Unis, donc sur les deux menaces pour la République. Et donc on voit à gauche, donc sur une balance, ils sont à égalité, hein, on voit bien, ils sont à égalité. Et d'un côté à gauche, donc il y a le noir, et à droite, il y a l'Irlandais, donc avec son chapeau bien, bien reconnaissable, et une tête de singe. Hein, on voit bien qu'il a un côté animal de l'Irlandais, et donc il est représenté de façon simiesque. Et ce n'est pas une illustration unique, mais c'est certainement celle qui est la plus parlante. Alors, les Irlandais, quand ils vivaient en Irlande, étaient considérés par les colons britanniques comme la plus basse catégorie de l'humanité. Et donc, ils ont quitté l'Irlande dans des circonstances sur lesquelles on va revenir, de famine, d'oppression, etc. Ils ont quitté l'Irlande pour venir aux États-Unis, où ils ont au départ beaucoup vécu avec les Noirs dans les mêmes quartiers, faisant le même genre de travaux que les Noirs. Et puis ils se sont aperçus justement que voilà, ils étaient associés aux Noirs et que être associé aux Noirs, ça voulait dire pour eux rester au plus bas niveau et être bloqués. Et donc ils se sont adaptés très rapidement. Et c'est ce que montre un certain nombre de travaux. Là, j'ai apporté des ouvrages que je vous montrerai. Ils ont compris donc qu'il allait falloir qu'eux fassent preuve d'au moins autant de brutalité, voire plus de brutalité que les natifs, comme on dit, par rapport aux Noirs, pour pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce qu'on peut comparer l'histoire des Bretons à l'histoire de ces white niggers? Tout de suite, d'emblée, il y a des éléments qui plaident en défaveur d'une telle comparaison. D'abord, cette expression de white niggers a réellement et beaucoup été employée à l'encontre des Irlandais, alors qu'on n'a jamais entendu dire « vous, les Bretons, vous êtes des nègres blancs ». Donc ça n'a jamais été employé à l'encontre des Bretons. Et donc l'employer aujourd'hui, même métaphoriquement, ça pourrait vouloir dire que le destin, l'histoire des Bretons est comparable à celle des Noirs. Bon, or, on sait bien que les Noirs ont connu la déportation, l'esclavage. toutes choses auxquelles les Bretons ont d'ailleurs collaboré activement au XVIe, XVIIe siècle, etc. Et les Bretons n'ont rien connu de tel. Donc voilà, il faut pas tout mélanger. En deuxième lieu, si on pense aux Irlandais, les Bretons n'ont pas émigré massivement vers les États-Unis comme l'ont fait les Irlandais. Ils ont un petit peu migré vers les États-Unis, des Bretons du centre-Bretagne, mais c'est une émigration qui n'a pas été massive et où ils ont été plutôt bien reçus d'après les témoignages dont on dispose. Mais moi, j'en ai pas beaucoup. Je sais qu'il y a une thèse sur les migrations vers les États-Unis, donc vous faites une thèse sur les migrations plutôt vers le Canada, vers le Québec. Donc bah, vous nous direz aussi peut-être tout à l'heure un peu comment ils ont été reçus. Mais a priori, d'après les témoignages que j'ai pu lire, il n'y a pas eu du tout d'hostilité envers les Bretons, mais je dirais même bien au contraire. Et donc autrement, bah, les migrations bretonnes, on sait bien, se sont plutôt dirigées vers l'ouest de la France et vers la région parisienne, enfin, pour l'essentiel. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience irlandaise. En troisième lieu, élément qui plaide en défaveur d'une comparaison. Les Bretons donc, qui ont migré vers l'ouest de la France ou vers la région parisienne ne se sont pas trouvés dans une société structurée par le racisme comme c'était le cas aux États-Unis. Donc c'est la société française métropolitaine, en tout cas, n'est pas fondée sur la race. La hiérarchie n'est pas fondée sur la race. Et donc, la situation est très différente de celle que les Irlandais ont connue aux États-Unis. Voilà. Donc, tout ça fait que ça peut paraître audacieux, voire même, à la limite, un peu ridicule de comparer les Bretons et les Irlandais. Et j'avoue que je n'aurais pas eu spontanément l'idée de faire cette comparaison. C'est Pape Ndiaye, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était venu il y a un moment maintenant, je crois que c'était en janvier 2009, qui nous a dit vous devriez creuser cette comparaison. Est-ce qu'il n'y a pas eu, pour les Bretons comme pour les Irlandais, deux temps, d'abord un temps de racialisation et ensuite un temps où les Bretons s'identifient à la classe dominante, comme ça a été le cas des Irlandais, et comme les Irlandais s'étant identifiés à la classe dominante en utilisant la ressource du racisme. Donc je me suis dit, on va voir, et donc c'est ce qu'on va faire ensemble, et puis ben, je compte sur vos remarques et sur vos questions pour aboutir à une conclusion bien sentie et équilibrée. Donc l'exposé se fera en trois temps. D'abord, donc, on réfléchira aux éventuels parallèles donc, entre la condition des Irlandais et celle des Bretons. Ensuite, on verra ce que les Bretons ont fait pour sortir de leurs conditions, qu'on pourra comparer à ce que les Irlandais ont fait pour sortir de leurs conditions. Et puis après, on verra le résultat de tout ça. Où est-ce qu'on en est arrivé? Donc, premier temps, donc la noirceur bretonne. Les Irlandais, je vous le disais, ont quitté l'Irlande pour fuir la misère et la famine, et pour fuir aussi une oppression qu'on peut qualifier, selon certains auteurs, d'oppression raciale. Alors, je vous donne un petit rappel de ce qu'étaient les penal laws au XVIIIe siècle en Irlande, hein, donc les lois pénales. Selon les termes de ces lois, les catholiques ne pouvaient ni voter, ni être élus au Parlement, ni exercer de responsabilité municipale, ni pratiquer la loi. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'ai traduites de l'anglais. Pratiquer la loi, ça veut dire être juge. Hein, c'est ça que ni exercer aucune responsabilité militaire, ni aucune fonction publique, ni ouvrir une école, ni enseigner, ni être précepteur, ni suivre des cours à l'université, ni envoyer leurs enfants dans des écoles étrangères. Il leur était également interdit de prendre part à toute fabrication ou vente d'armes, de journaux, de livres, ni de posséder ou de transporter des armes. Et ils n'avaient pas le droit de posséder un cheval d'une valeur excédant 5 livres. Donc ça donne un petit peu, si vous voulez, le contexte. Et ça, c'était pour tous les Irlandais, donc on appelait les catholiques. Alors, Théodore Allen a expliqué que la distinction, selon lui, entre l'oppression raciale et l'oppression nationale, résidait dans la composition du groupe qui fait respecter la loi de l'élite. Et il nous a dit, donc, dans un ce qui s'est passé pour la Grande-Bretagne en Inde, par exemple, c'est une oppression nationale, parce qu'il y a une fraction de l'élite locale qui est utilisée pour faire appliquer la loi du colonisateur. De même, par exemple, pour les États-Unis à Porto Rico. Par contre, ce qui s'est passé en Irlande, c'est que la loi était appliquée uniquement par des colons, alors qui étaient les fractions les plus pauvres du pays colonisateur. Mais il n'y avait aucune place pour l'élite irlandaise dans le système d'oppression. Donc, selon lui, c'est ce qu'on appelle une oppression de type racial. Bon, après, mettre les étiquettes qu'on veut. On voit bien que c'est une oppression d'un type particulier qu'il n'y a pas eu en Bretagne. Deuxième chose qui a évidemment été extrêmement importante, c'est la grande famine qui a frappé l'Irlande de 1841 à 1851. Les Irlandais disaient « Dieu a envoyé le mildiou, mais les Britanniques ont envoyé la famine ». C'est-à-dire que les Irlandais pauvres on était venus progressivement à cultiver presque exclusivement des pommes de terre. Et à partir du moment où il y a eu donc le mildiou qui est arrivé, ils se sont trouvés dans une situation très difficile. Et les propriétaires terriens ne les ont pas du tout aidés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dès qu'une famille avait des difficultés pour payer ses loyers, les propriétaires terriens les expulsaient. Et d'autre part, les grands propriétaires, eux, continuaient à avoir des cultures en Irlande qui auraient permis de nourrir les Irlandais. Mais en vertu des lois de la libre concurrence, etc., du libre marché, eh bien, il fallait exporter cette production. Et donc les Irlandais voyaient partir des chargements entiers de nourriture escortés par des soldats, et donc ils étaient exportés un petit peu partout. Donc c'est pour ça que dans la famille, il y a une partie de causes économiques et puis botaniques, mais il y a aussi des causes politiques liées à la politique de l'État britannique en Irlande. Donc là encore, bien évidemment, on est dans une situation très différente en Bretagne. On n'a pas eu une grande famille en Bretagne. J'ai découvert un petit peu les conditions là, de vie en Bretagne au XVIIIe et au XIXe siècle à l'aide des peu de travaux finalement qui sont consacrés à ça, notamment les travaux de l'abbé Gautier. Je le mentionne parce que donc, c'est un abbé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est hostile à l'émigration bretonne. Donc c'est pas quelqu'un de neutre. En même temps, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui a fait des études, et il a consacré plusieurs ouvrages aux migrations bretonnes, j'en ai lu deux. Un sur les causes de l'émigration, donc il décrit la situation en Bretagne, et puis un autre sur la vie des migrants bretons à Paris. Et c'est très riche, très intéressant. Il a été, alors, non seulement c'est un abbé, mais ça a été l'abbé des Bretons de Paris dans les années 1950. Mais il remonte jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, voilà, la misère noire. Alors, ce que dit Gautier, c'est qu'à l'origine et pendant plusieurs décades d'années, c'est-à-dire pendant plusieurs décennies, l'unique but de l'émigration bretonne fut la satisfaction de besoins primaires. Dans la très grande majorité des cas, il faudrait préciser en disant l'obtention des biens de première nécessité. Donc il parle d'un paupérisme, et il dit, bon, ce paupérisme, il a existé ailleurs en France, mais il dit que c'est en Bretagne qu'il a été le plus affreux. Et donc, je vais vous lire un certain nombre de témoignages sur ce paupérisme et sur ces causes. On peut dire, pour condenser un petit peu la situation bretonne, que ce qui a provoqué les migrations bretonnes, c'est plusieurs éléments joints. Un accroissement naturel important dans les campagnes, Une agriculture qui avait trop de bras. Hein, on a des chiffres, alors je ne sais pas exactement comment on s'est fait ces estimations, mais apparemment, les économistes considèrent qu'il y avait à peu près deux fois trop de bras par rapport aux besoins agricoles. L'artisanat textile s'est effondré, et il était très important pour la Bretagne, et l'industrialisation a été ratée. Mais ça, c'est des constatations. Après, on va réfléchir un petit peu aussi aux causes de tout ça. Alors, comment ça s'est manifesté? Eh bien, il y a eu des, alors non pas une grande famille, mais il y a eu des disettes en Bretagne au XVIIIe siècle et même pratiquement au début du XIXe siècle, avec des gens qui se trouvent amenés à mendier, mais dans des quantités très très très importantes. Il y a des troupes de mendiants de plusieurs milliers d'hommes qu'on voit s'en aller. Alors là, j'ai un témoignage, donc je crois que c'est Auger, qui dit « On sait jusqu'à quel point fut portée la misère du peuple dans les années 1771, 1772, 1773 et 1774. Des landes et des terres mal cultivées composent toute la richesse de ces cantons peu peuplés de l'intérieur de la Bretagne. Sans doute parce que tout pays où l'on n'a pas de pain est un séjour affreux qu'on doit fuir et abandonner. Des hommes sans activité, courbés sous le poids de l'infortune, sans espérance de pouvoir jouir d'un meilleur sort. Des troupes de mendiants, des femmes, des enfants couverts de haillons. Des malheureux de toute espèce, c'est le triste spectacle qu'offre aux yeux cette partie de la province dans les années de disette. » Voilà. Donc voilà un premier témoignage. Mais j'en ai trouvé beaucoup, dont 1778, un curé qui explique qu'il n'y a plus de mariage dans sa commune à cause de la pauvreté des habitants. En 1785, alors j'ai été effaré par les mesures qui ont été prises dans la ville d'Uzel contre les mendiants. Donc les pauvres mendiants de cette ville et commune d'Uzel se retireront dans la commune dont ils sont originaires ou domiciliés, dans la huitaine, à compter du jour de la publication de la présente. Leur faisons défense de vagabonder et mendier en cette ville et paroisse, sous peine pour les hommes d'être attachés 2 heures du jour du prochain marché qui suivra leur capture, et pour les filles et femmes de 8 jours de prison, d'être enfermés dans une maison de force, et à l'égard des pauvres hommes, garçons et enfants, leur faisons pareillement défense d'y mendier, sauf à être par nous le contrôleur fiscal, pourvu, suivant les arrangements, faits et continuels, enfin, etc. Donc, condamné à être attaché ou à être emprisonné pour mendicité. Donc on a toute une série de témoignages donc au XVIIIe siècle sur la pauvreté, sur les bandes de mendiants. Alors apparemment il y avait des bandes de plusieurs milliers de mendiants, comme ça 4 000 à 5 000 mendiants qui partaient. Là j'ai un témoignage de 1816 d'Émile Souvestre, donc dans les derniers Bretons, donc il raconte ça. Il y eut en 1816 une émigration de ce genre de la moitié des populations de l'arrêt. On les voyait descendre par centaines le long des montagnes, puis déborder dans nos campagnes et nos villes, hommes, femmes, enfants, tous pâles de faim, et chantant d'une voix lugubre les complaintes de la Cornouaille. Bon, évidemment, c'est un écrivain aussi, hein, c'est un journaliste. Cette irruption d'hommes à Besas et à Chapelet fut quelque chose d'impossible à dépeindre. C'était à faire dresser les cheveux et à mouiller les yeux de pitié. Voilà. Et alors, en 1866, donc on a plusieurs dénombrements qui donnent les mêmes résultats. On dénombre donc, alors je n'ai pas le chiffre pour l'ensemble de la Bretagne, mais dans les Côtes d'Armor, 80 000 pauvres, dont 37 000 mendiants, rien que dans les Côtes d'Armor. Donc ça donne quand même une idée de la situation. Et alors, ce qui est intéressant, pour faire un petit bout de parallèle avec la situation irlandaise, c'est les causes de tout ça. Alors, il n'y a pas eu une volonté d'affamer la Bretagne, hein, il n'y a pas eu ce qu'on a trouvé avec les Britanniques en Irlande, mais il y a quand même des causes politiques et des causes d'État à la situation de la Bretagne, donc à l'effondrement du textile, du commerce, des toiles, etc. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est un témoignage d'un préfet de l'époque, hein, donc représentant de l'État, qui décrit la situation dans les Côtes d'Armor. Donc c'est une lettre qu'il envoie au ministre de l'Intérieur en 1801. Il dit ceci: « Il n'est point de partie de la République où les effets de la guerre se soient fait ressentir d'une manière plus cruelle. » D'un côté, donc les effets de la guerre, donc c'est la politique de l'État, et il est clair que les guerres ont eu un rôle un impact très négatif sur l'économie bretonne. « D'un côté, les nombreux marins que les parties voisines de la mer avaient fournis ont en grande partie péri dans les combats et les prisons d'Angleterre. Une autre portion considérable est encore détenue chez les insulaires. Le reste, enfin, sert la République sur ses vaisseaux et s'y trouve la plupart du temps sans solde et toujours avec un arriéré considérable. Donc les marins, très nombreux, soit ils sont morts, soit ils sont en prison, soit ils servent sans solde. Et cependant, les uns et les autres étaient chargés de familles qui subsistaient entièrement du produit de leur voyage. Le commerce procurait à tous une honnête aisance. Maintenant, elle est détruite de fond en comble et la situation la plus déplorable y a succédé. La guerre continentale a aussi enlevé à l'agriculture une foule de bras qui n'est pas près de se retrouver remplacée dans les campagnes, désolée d'ailleurs par d'autres fléaux. C'est un peu long, excusez-moi, mais je trouve que c'est un témoignage très intéressant. D'un autre côté, les habitants de l'intérieur, surtout vers Loudéac, Quintan et Rostrenin, ne trouvaient d'existence que par le commerce des toiles qui se faisait avec l'Espagne. Son interruption à peu près totale par les dangers actuels de la navigation réduit au dénuement le plus absolu 60 000 familles au moins. Cette branche d'industrie introduisait chaque année en France des capitaux considérables. Le commerce extérieur préparait 12 000 marins aux armées navales. La pêche à la morue seule en entretenait environ 10 000. Depuis 8 ans, elle n'a plus lieu. Le cabotage servait de plus à introduire divers objets essentiels qui manquent totalement ou qu'on ne peut plus se procurer qu'à grands frais, puisque tous les transports n'ont lieu que par terre. En outre, la modicité de la récolte dernière, jointe aux enlèvements considérables de grains faits par la marine nationale, et peut-être aussi pour les Anglais, occasionne une disette générale qui fait porter le prix des subsistances au taux le plus exorbitant. Voilà, bon, ça continue encore, mais là, on voit bien l'impact de la politique d'État sur l'économie bretonne. Et j'avoue que c'est des arguments que je connaissais pour les avoir lus, notamment chez les historiens de Skolvreys, mais je me disais peut-être que les historiens de Skolvreys, par sensibilité bretonne, etc., ont tendance un petit peu à déformer les choses. Là, c'est une lettre d'un préfet, donc je me dis, eh bien, voilà, qui est tout à fait intéressant. À ça, il faut ajouter... Depuis le XVIe siècle, le changement de comportement de la noblesse bretonne. Et ça, je l'ai trouvé sous la plume de nobles bretons, qui explique que, en fait, les nobles finançaient des aumôneries, des hospices, des hôpitaux, des maladreries, etc. Et donc, quand il y avait des crises, quand il y avait des disettes, il y avait une assistance, alors c'est pas une assistance publique, mais une assistance privée qui était assez importante. Ils expliquent qu'à partir du moment où la monarchie absolue s'est développée, les nobles bretons ont voulu aller de plus en plus à la cour du roi, faire des dépenses importantes, et du coup, ils n'avaient plus d'argent à consacrer à la charité. Et donc, il y avait beaucoup moins de charité. Donc, je lis. Voilà, dans les deux siècles suivants, la société fut encore trop agitée, et surtout le sentiment chrétien trop affaibli pour voir renouveler les merveilles de charité des anciens jours. Les guerres de la fin du XVIe siècle achevèrent de désorganiser la charité publique. Non, c'est pas là. Voilà, si c'est ça. Depuis ce temps, la position du paysan, la pauvre, n'a cessé d'être des plus tristes. La noblesse se ruinait fastueusement à la cour et n'avait plus le moyen de faire l'aumône dans ses domaines qu'elle n'habitait pas. Voilà. Donc à partir du moment où il n'y a plus ce secours-là, eh bien, comme il n'y avait pas de protection sociale, il n'y avait absolument aucune aide publique, eh bien, la mendicité s'est développée dans des proportions importantes. Voilà. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une migration très forte de Bretagne vers ailleurs, que ce soit à Paris, la région parisienne, la France ou les États-Unis, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une immigration très forte au moment où on a cette situation de crise en Bretagne. Or, les migrations, elles ont eu lieu, mais elles n'ont pas été aussi importantes que les migrations partant de l'Irlande, ou même elles n'ont pas été proportionnelles aux difficultés qu'a connues la Bretagne, d'après donc, des gens qui ont travaillé là-dessus, notamment... Anne-Marie Cloître, je crois, qui essayait de trouver les raisons du caractère tardif des migrations bretonnes. Donc, alors, elle essaye de comprendre ça, et elle considère que les explications sont les suivantes. Le poids de l'agriculture, donc, qui amène parfois donc, des gens en trop grand nombre à rester à la terre, dans une agriculture de bocage. Donc on essaye d'intensifier la production en augmentant le nombre de bras, mais ce qui n'est évidemment pas très efficace économiquement. Donc c'est une des explications qu'elle donne. D'autre part, selon elle, donc la plus longue résistance culturelle des traits hérités du passé. Donc elle parle du côté périphérique de la province, du rôle très important de la religion. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, les prêtres étaient défavorables aux migrations. Et puis, elle pense aussi que la culture bretonne, la langue bretonne ont joué un rôle de muraille de Chine, un petit peu, qui a retenu les Bretons sur place. Voilà les hypothèses qu'elle donne. En tout cas, on a en 1911 que, hein, par rapport aux Irlandais qui sont partis par millions, on n'a que 400 000 Bretons qui sont partis pour la France, hors de Bretagne. Hein, on n'a pas de chiffre pour le nombre de... Enfin, je n'ai pas trouvé de chiffre, en tout cas, pour le nombre de Bretons partis à l'étranger, mais ils sont nettement moins nombreux, de toute façon. Donc 400 000 Bretons, en 1911, au recensement, vivent hors de Bretagne. Voilà donc pour la situation bretonne, donc avec une situation qui n'est pas la situation irlandaise, mais bon, qui a quand même certains points communs. Ensuite, il faut voir comment vivent les émigrants, comment vivent les émigrants irlandais et comment vivent les émigrants bretons. D'abord, la particularité, c'est que... les émigrants qui ont quitté l'Irlande, au départ, ça n'était pas les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils partaient aux États-Unis et qu'il fallait payer le passage. Et donc, les plus pauvres ne pouvaient pas payer le passage au départ, hein, c'est ce qui était juste au-dessus. Et après, on va voir progressivement la proportion d'Irlandais pauvres augmenter. Alors, je n'ai pas de chiffres pour 1911 qui seraient juste comparables, mais entre 1845 et 1855, c'est 1 800 000 Irlandais qui ont migré vers les États-Unis. Hein, 1 800 000, donc dans la période la plus noire, hein, la période de la Grande Famine. Alors, ces migrants... donc ces migrants irlandais, mais aussi les migrants bretons. Alors là, il y a vraiment beaucoup de points communs. Ils vivent dans des conditions d'une grande précarité. Alors là, j'ai surtout accumulé les témoignages sur les migrants bretons. Alors d'abord, il y a les propos là, des prêtres. Bon, les prêtres sont horrifiés, mais là encore, vous savez bien, ils ne sont pas tout à fait, comment dire, neutres. Donc alors là, c'est un conte d'abord. Enfin bon, c'est... même milieu, le comte de Chateaubriand écrit ceci en 1895. Il résulte de nos enquêtes que nos compatriotes sont à Paris au nombre de 80 000. Donc 80 000 à Paris en 1895, d'après lui, dont la moitié au moins est dans une situation précaire et dans un état navrant, exposé sans défense à tous les dangers moraux et matériels. On vous décrira l'abominable exploitation que l'on fait des corps et des âmes de nos pauvres Bretons. Le « nos pauvres ». Ensuite, 1897, le père Léon de l'ordre des frères mineurs décrit la misère noire de ses pères et mères de famille ainsi que de leurs enfants mal logés, mal nourris, regrettant amèrement le pain de seigle, le lait caillé, le pichet de cidre de là-bas. Ensuite, en 1903, donc, alors là c'est le bulletin. Alors on a beaucoup d'informations par le bulletin de la paroisse bretonne de Paris. Donc la paroisse bretonne de Paris, c'était une association et un bulletin qui était publié par l'abbé Cadic, donc le prédécesseur de l'abbé Gauthier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui était dans une démarche démocrate chrétienne. Il faut savoir que l'Église a eu deux démarches par rapport aux Bretons de Paris au début du XXe siècle. Une qui était, c'était plutôt traditionnelle et Et puis l'autre, c'était donc une démarche démocrate chrétienne qui était prise à l'initiative de l'abbé Cadic, qui était une personnalité forte, auquel est consacré un colloque aujourd'hui à Brest, d'ailleurs. Donc, la paroisse bretonne de Paris, chaque année, des milliers de Bretons viennent mourir de faim et de misère dans des villes comme Le Havre, Angers et Paris. 1903 toujours, nos malheureux compatriotes des deux sexes que guettent ici, dans les grandes villes, la misère, la maladie, la mort, souvent, et quelquefois, pire encore, le vice, etc. Donc, ils sont acculés à la misère. Donc, voilà, on a des termes très, très forts. Mais, comme je vous le dis, ce sont des termes de gens qui sont juges et parties. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir le témoignage d'un médecin. On dirait, il est peut-être jugé parti aussi, il est breton, apparemment il s'appelle Trégouate, mais enfin bon, je pense que c'est quand même intéressant. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'immigration à Bretonne à Paris » en 1900, et il décrit donc, excusez-moi, les conditions de vie des Bretons. « Les émigrés bretons le plus souvent viennent à Paris isolément, célibataires. » Bon, ce qu'on disait aussi, pour beaucoup d'Irlandais, beaucoup venaient aussi célibataires, bon, c'est l'émigration de travail, mais parfois aussi, et de même pour les Irlandais, mais parfois aussi, des familles entières émigrent en bloc, de ces familles nombreuses dont les campagnes pauvres ont pour ainsi dire le monopole. Ou bien il arrive que le Breton et la Bretonne venus à Paris séparément s'y rencontrent et se marient légitimement ou illégitimement, et comme leurs parents en Bretagne, ils ont souvent beaucoup d'enfants. C'est une nouvelle cause de misère et de surpeuplement. Le patron ne donnant pas à son ouvrier 40 sous par jour de plus parce qu'il a 4 ou 5 enfants à nourrir, et le propriétaire ne cédant pas davantage une pièce en plus sans payer. Une pièce d'habitation. Si on cherche à voir les immigrés bretons chez eux, comme nous l'avons fait maintes fois, on les rencontre le plus souvent à 5 ou 6 dans une seule, 2 ou 3 pièces au plus. Et quelles pièces ? Des réduits sans air, sans lumière, donnant parfois sur des corridors, en général, sur des cours ridiculement étroites, ne permettant la vue, et en se penchant fortement, que de quelques mètres carrés de ciel, à peine plus large que les cheminées au pays breton. Si on examine de près les observations des malades bretons dans les hôpitaux, on retrouve continuellement cette même donnée, qu'ils habitent dans une chambre petite avec une ou plusieurs personnes. On reproche à la ferme bretonne le tas de fumier devant la porte, et nous n'avons pas l'intention de le défendre. Mais vraiment à Paris, dans certains coins, dans certaines ruelles, dans certaines impasses, dans certaines cités, on serait tenté de dire que le fumier est à l'intérieur, dans la saleté repoussante et les odeurs abominables, uniquement d'ailleurs parce que les maisons sont défectueuses autant que possible et surpeuplées, sans qu'on puisse par conséquent rien reprocher aux pauvres gens qui les habitent, si ce n'est de n'être pas assez riches pour demeurer ailleurs. Voilà donc sur les conditions de vie, donc écrit par un médecin, donc sur la misère de ces immigrés bretons. Alors les conditions de travail, et là... On retrouve là aussi de fortes parenthèses entre les conditions de travail des Irlandais et des Bretons. Donc on nous dit les Irlandais travaillaient pour de faibles salaires dans des conditions dangereuses. Les émigrés donc, qui sont venus à partir de 1845-1855 étaient plus pauvres que les précédents. Et la plupart des hommes travaillaient probablement, au moins temporairement, comme ouvriers dans les canaux, les chemins de fer, le bâtiment ou comme dockers. Et puis, alors, il y a ce témoignage tout à fait intéressant d'un écrivain noir en 1860 qui explique la stratégie des Irlandais. Donc, c'est un écrivain de Philadelphie. Il dit ceci. « Il y a 15 ou 20 ans, un prêtre catholique à Philadelphie a dit aux Irlandais qui habitaient dans cette ville, « Vous êtes pauvres, et principalement des travailleurs. Les Noirs sont de pauvres travailleurs, et beaucoup de Blancs autochtones sont des travailleurs. Maintenant, si vous voulez réussir... Vous devez faire tout ce qu'ils font, aussi dégradant cela soit-il, et faites-le pour une rémunération inférieure à celle qu'ils acceptent. Les Irlandais ont adopté ce plan. Ils ont vécu avec moins que ceux dont les Américains pouvaient se contenter. Ils ont travaillé pour une rémunération inférieure. Et le résultat est que presque tous les emplois subalternes et de domestiques sont monopolisés par les Irlandais, qui maintenant obtiennent d'aussi bons prix que les autres. » Voilà donc décrite la stratégie des Irlandais par un écrivain noir en 1860. Et alors, il est frappant de voir que tous les témoignages qu'on peut trouver sur les Bretons de Paris montrent exactement la même démarche. C'est-à-dire que les Bretons, ce sont les alors je lis ceci, hein, c'est ceux qui font les travaux dont personne ne veut. Une petite anecdote, on trouve ça avant. Alors je vous ai dit que l'immigration bretonne s'est développée tardivement, hein, à partir en gros du milieu du 19e siècle, elle s'est développée tardivement dans des proportions inférieures à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais ça, c'est de l'immigration quand même massive. Il y a un flux régulier de migration bretonne vers Paris depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Et en préparant la communication, là, j'ai trouvé un article sur une scénette, une petite pièce de théâtre qui s'appelle « Le privilège aux Bretons », qui date du XIIe siècle et qui se moque des immigrés bretons à Paris. Et donc, dans ce privilège aux Bretons, on voit que les Bretons font tous les métiers dont personne ne veut, c'est-à-dire qu'ils sont balayeurs, ils vidangent les fosses d'aisance, etc. Les mêmes métiers qu'on va les revoir faire au XIXe siècle. Mais là, c'est poussé jusqu'au burlesque, puisque les Bretons vont voir le roi de France parce qu'ils ont obtenu le privilège de couper les genêts pour en faire des balais. Et donc, ils défendent, on les voit défendre ce privilège, et on se moque d'eux, ils sont ridicules à vouloir défendre leur privilège. Et ils s'adressent aussi au pape. Hein, le pape, il demande au pape le monopole du privilège de curetage des fosses d'aisance. Donc voilà, c'est une pièce comique, mais où on voit les Bretons faire les mêmes métiers qu'on va les voir faire au XIXe siècle. Donc voilà, en 1898, se crie le père Rivalin au congrès des associations ouvrières à Saint-Brieuc. C'est aux Bretons que l'on donne les travaux dont personne ne veut, à l'usine, à l'atelier, au chantier. Excusez-moi, tout est assez bon pour lui, et comme il vit au jour le jour sans avance, et que derrière lui se trouve une femme avec 4, 5, 6 enfants, il s'attelle aux besognes les plus ingrates, quelquefois même les plus délétères. C'est vraiment le paria de Paris. Il commence son travail à 6 heures, prend une heure de repos pour déjeuner, reprend le collier de miseur et ne le quitte qu'à 7 heures ou 8 heures du soir. À ce métier de forçat, il gagne en moyenne de 3,50 francs à 5 francs par jour, juste de quoi ne pas mourir de faim. Aussi n'est-il vêtu que de haillons et n'habite-t-il que des réduits infects, de vraies tanières, de misérables taudis, qu'il est encore obligé de payer à raison de 50 francs par trimestre. Voilà, je continue, j'ai beaucoup de témoignages. 1908... Donc encore un abbé donc dans la paroisse bretonne qui explique que les femmes, les jeunes filles, trouvent assez facilement du travail comme domestique, mais les hommes trouvent plus difficilement à se caser. Ceux qui n'ont pas de métier déterminé font des journées par-ci, par-là, toujours employés aux travaux les plus répugnants ou les plus durs. Les terrassements, les vidanges, les égouts, les balayages des rues, l'enlèvement des ordures. Voilà, bon, etc. Je ne vais pas lire tous les témoignages, j'en ai donc retrouvé beaucoup donc qui montrent ça. Donc, non seulement ils font les travaux les plus pénibles, les moins ragoûtants, ceux dont personne ne veut, mais en plus, beaucoup de témoignages montrent qu'ils sont traités comme des marchandises. Par exemple, là, il y a un texte de l'abbé Cadic. Que Patrick Le Braouezec cite, paraît-il, régulièrement. Hein, parce que Patrick Le Braouezec donc, se présente comme un immigré breton donc, qu'il met en parallèle avec les autres immigrés qui vivent aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. C'est l'ancien maire de Saint-Denis, communiste. Et donc, il cite régulièrement ce passage de l'abbé Cadic. Une fois au milieu de la foule indifférente ou railleuse qui les regarde avec dédain, en arguant leur détresse et leur gaucherie, la préoccupation de gagner leur vie les pousse au bureau de placement. Oh, ces longues stations dans les bureaux de placement, où il leur faut défiler devant des personnes inconnues, où l'on détaille qualités et défauts, comme pour les esclaves jadis sur les marchés de Rome, où leur timidité, leur ignorance du français les font soupçonner souvent d'inintelligence et leur font préférer des domestiques à l'allure plus dégagée. Heureux encore si le marchandage ne se prolonge pas outre mesure, car dans ce cas, la petite réserve apportée du pays a vite sombré dans la poche de logeurs. Il ne reste plus que la rue, la nuit sur les bancs, les croûtes de pain disputées aux chiens sur la chaussée et la perspective d'être recueillis par la police. Voilà. On a aussi des témoignages de gens, là par exemple d'une femme de ménage en 1904 qui dit ceci: « Les maîtres ne nous témoignent aucune cordialité et nous considèrent comme des esclaves. Ils n'ont en nous aucune confiance. On nous impose un labeur incessant et pour finir, on nous loge au sixième dans des réduits misérables où l'on cuit l'été. » Voilà. Un passage autrement de un ouvrage qui s'appelle Aubervilliers de Léon Bonnef sur la baisse du cours des Bretons, l'augmentation du cours des Bretons. Une année, le marché de Pontivy fut pauvrement approvisionné. Les cours montèrent. La faute en fut à un marchand parisien qui était venu lever tous les hommes disponibles du pays. il fait coller dans de nombreuses communes une affiche qui annonçait que le représentant de la compagnie nationale franco-anglaise des engrais et superphosphates offrait 5 francs par jour aux garçons sans métier pour travailler dans ses usines d'Aubervilliers. Donc ça avait fait monter les cours. Donc on parle souvent des marchands d'hommes, de la mode aussi. Alors apparemment, alors j'ai trouvé ça, donc ça c'est aussi, je crois, l'abbé Cady qui dit ceci. C'est une mode depuis quelques années de voyager en Bretagne. C'est une mode aussi de s'en revenir avec une domestique bretonne. Elles sont si naïves, les jeunes filles de là-bas, elles s'engagent à si bon compte. On n'a d'ailleurs que le choix. Il semble que les maisons de religieuses elles-mêmes prennent à tâche de former leurs orphelines comme une prime à l'exportation. Et ensuite, bien sûr, ça nous amène à la traite des blanches. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait une forte proportion de bretonnes dans les prostituées du 19e et du début du 20e siècle. Mais finalement, je n'ai pas trouvé de travaux là-dessus. Alors peut-être qu'il y en a que j'ignore. J'ai trouvé quelques témoignages, mais je n'ai pas trouvé de travaux là-dessus. D'ailleurs, c'est frappant de voir le peu de choses qu'il y a sur ces migrations bretonnes et sur ces conditions. Là, ce que je trouve là, c'est, ça vient de très peu de sources. Il y a eu très peu de travaux là-dessus. Et Annick Madec, disait ceci. Prendre en sciences sociales, donc c'est quelqu'un qui vient de travailler un petit peu, je ne sais pas si elle a fait beaucoup de travaux, moi je n'ai trouvé que un ou deux articles d'elle sur cette question, elle dit ceci, prendre en sciences sociales un objet d'étude non noble, voire déqualifié, c'est prendre le risque de se disqualifier comme chercheur, d'être en quelque sorte contaminé par la mauvaise image de son objet. Ce constat bien connu explique pour partie le silence, relatif ou absolu, des sciences sociales sur un certain nombre de questions. Prendre un objet polémique, c'est également prendre des risques, et notamment celui d'être contraint par le champ du politique, de basculer de la sociologie à l'idéologie. Quoi qu'il en soit, la sociologie des migrations bretonnes en région parisienne a été un terrain fort peu fréquenté par la recherche académique. Sous-investi par le champ scientifique, fort investi par le champ politique, la migration bretonne ne s'est guère livrée dans des témoignages indigènes. Elle persiste et signe dans son silence. Donc, alors, en ce qui concerne la prostitution des filles, j'ai trouvé quelques témoignages, mais qui viennent de prêtres. Alors évidemment, c'est à prendre avec aussi distance. Je lis ceci. Il y a quelques mois, 40 jeunes filles de la région Dorée et de Pontivy, un wagon complet, arrivaient par le même train à la gare Montparnasse. La paroisse bretonne, fondée par un prêtre zélé que tout le monde connaît, M. l'abbé Cadic, aurait bien voulu les prendre et les placer. Mais le directeur d'une société louche, maçonnique ou juive, les attendait à la gare. Bon, voilà, bon. Un coup de téléphone donné à l'oreille avait prévenu que la marchandise arrivait et était venue en prendre livraison. L'abbé Cadic, désolé, ne put rien faire pour ces infortunés. Cette société louche a des racoleuses dans les centres importants de Bretagne, Vannes, Lorient, Pontivy, Auray, etc. Les racoleuses ont 5 francs par tête dans le Morbihan, 3 francs seulement dans le Finistère. Voilà. Bon, évidemment, la société juive ou maçonnique, mais qu'il y a eu des sociétés de racolage, on peut le supposer, parce que ça rapportait de l'argent, donc ça paraît vraisemblable. J'ai lu aussi dans la paroisse bretonne, toujours, que les bureaux de placement de domestiques avaient probablement joué un rôle dans la mesure où il disait ceci, enfin là j'ai par exemple un témoignage, les voyages ne sont ni payés ni avancés, les gages moyens sont de 35 francs par jour, vous pouvez m'envoyer 200 domestiques femmes, si vous le voulez, ou 200 tous les jours, que je ne vous dirai pas que vous m'en envoyez de trop. Il est clair qu'aucun marché ne peut absorber comme ça 200 domestiques, enfin marché entre guillemets du travail, ne peut absorber 200 domestiques par jour. Donc si on faisait venir trop de domestiques, ça pouvait aussi ouvrir la voie aux trafiquants et aux rabatteurs sans scrupules. Voilà. Voilà, et donc ces Bretons apparaissent un peu comme des parias. Alors il n'y a pas énormément de témoignages là-dessus. Il y a, bon, des prêtres qui disent ceci, les Bretons sont encore considérés, ça c'est l'abbé Cadig, les Bretons sont encore considérés comme des parias, il faudrait arriver à les mettre sur le même pied que les autres gens, qui certainement ne valent pas plus qu'eux. Il y a dans Nouville, un village français, il y a ce passage, on dit, quand j'allais chercher mon lait le soir, je n'étais pas rassuré. Ce n'était pas des Français que j'avais peur, mais des Bretons. Ou bien, il y a quand même eu un travail que je vous montrerai tout à l'heure en 1978 qui a été fait sur les migrations bretonnes à Paris par Patrick Pado et Guy Barbichon qui s'appelle « Vivre sa ville, migrants bretons et champs urbains. Et là, on a le témoignage donc, d'un Breton qu'ils ont interviewé dans des entretiens semi-directifs. Et il dit ceci, j'ai discuté avec des Parisiens, ils disent, oh oui, toi le Breton, tu ferais mieux d'être dans ton pays là-bas. Hein, le genre d'argument qu'on dit aux gens dont on n'a pas envie. Et alors, ces Bretons vivent avec les étrangers. Et c'est aussi un parallèle avec les Irlandais. Tous les témoignages sur les Irlandais disent que les Irlandais vivaient dans un habitat mélangé avec les Noirs en particulier, bien sûr, et puis les autres immigrés. On dit aussi qu'au départ, aux États-Unis, il y avait beaucoup de mariages mixtes entre les Noirs et les Irlandais. Et là, donc, eh bien, c'est la même chose. Les Bretons sont toujours présentés comme un peu comme une ethnie, si vous voulez, parmi les Chinois, les Noirs, les ceci, etc. Par exemple, en 65, Chombard-Delove, dans ses essais de sociologie, parle mais très brièvement des Bretons. Il dit ceci, parmi les causes de l'existence particulièrement favorable à l'acculturation, nous constatons, à côté de la proximité du quartier des affaires, le fait que les abords des grandes gares qui s'y trouvent toutes situées, sont des centres particulièrement favorables au brassage. C'est là que nous rencontrons les quartiers chinois et nord-africains de la gare de Lyon, certains quartiers bretons de Montparnasse. Nous reprendrons cette question lorsque, dans d'autres publications, nous traiterons des groupes ethniques. Et puis, bon, il l'a pas fait. Mais on voit cette façon de présenter les Bretons comme un groupe ethnique parmi d'autres, et c'est la façon dont les Bretons sont présentés par les témoignages d'époque. Par exemple, dans... Élise ou la vraie vie, Claire Etcherelli écrit ceci, au milieu des Bretons, des Algériens, des Polonais exilés ou des Espagnols, je vais trouver le contact avec la seule réalité en mouvement, etc. On a beaucoup de témoignages comme ça, la couverture d'un ouvrage, on voit histoire d'exil de Bretons, d'Espagnols, d'Italiens, d'Algériens, de gamins habillés pareil. Hein, ils sont toujours présentés, mélangés avec les autres immigrés étrangers. Et en tout cas, les Bretons, quand ils arrivent, ils ont ce choc aussi de découvrir des populations autres. Parce qu'en Bretagne, on a quand même une certaine homogénéité bretonne. Il y a beaucoup, beaucoup de Bretons en Bretagne et peu de gens d'ailleurs. Et donc, ils ont cette surprise de découvrir des gens autres et de découvrir le racisme aussi. De la même façon que l'immigrant irlandais découvrait le noir en arrivant aux États-Unis. Donc je vous cite un passage de Prado et Barbichon. « Souvent, pour ces migrants prolétarisés, donc là, il parle des Bretons, la première découverte de la condition ouvrière passe par l'apprentissage du racisme, relativement inconnu jusque-là en Bretagne, par manque de sujets auxquels s'appliquer. Déjà, l'arrivée à Paris provoque parfois ce choc de la découverte d'autres immigrés, au teint basané ou noir, ceux-là, à qui on se sait confusément ou non économiquement assimilable. » Citation, quand j'ai vu la tour Eiffel et les têtes d'Algériens, je me suis dit, ça y est, on est arrivé. Et puis un peu plus loin, toujours Prado et Barbichon, de même que la guerre d'Algérie qui a pu susciter une réflexion renouvelée sur les identités régionales en métropole, cette situation des Bretons à Paris a joué un rôle peut-être non négligeable pour eux comme élément de différenciation et d'auto-identification, de même que l'image de soi renvoyée par l'autre, du type de celle rapportée par un immigré breton, manœuvre sur un chantier, à qui un immigré kabyle demande si, faisant un tel travail, il n'est pas plus proche des Kabyles que des Français. Voilà. Ah ben voilà, je l'avais mise en entier, cette citation. Donc voilà pour la misère noire, la misère comparée en Irlande et en Bretagne, l'émigration, la misère des immigrés bretons. Le parallèle dans la noirceur bretonne, hein, c'est pas seulement la misère, c'est aussi l'ombre bretonne. C'est-à-dire que, et alors là, c'est vraiment très très frappant, la façon dont on parle des Irlandais aux États-Unis ou la façon dont on parle des Bretons en France, le parallèle est vraiment saisissant. Donc on parle des Irlandais sauvages, des hordes d'Irlandais sauvages, le Celte a beau... Bon, on les appelle souvent les Celtes, hein, les Irlandais. Hein. Le Celte a beau être blanc, il est néanmoins un sauvage. Et quand on lit... j'aurais de très très nombreuses citations pour parler des Bretons comme sauvages. Bon, là par exemple, j'en ai mis une au hasard, un Flaubert, quand il arrive en Bretagne, il dit « Il nous semblait que nous nous évadions de la vie civilisée et que nous rentrions dans la vie sauvage. Hein. Dès que l'on avait pénétré dans la Bretagne bretonnante, dans le Morbihan, dans le Finistère, dans les Côtes du Nord, on se sentait dans une région primitive. Hein. » Il y a l'idée de ces gens primitifs et sauvages. Les Bretons sont volontés comparés aux peaux rouges, aux Indiens peaux rouges, comme le sont également les Irlandais. Alors là, j'ai alterné citations du New York Times sur les Irlandais. Hein, des milliers de barbares parmi nous à l'instinct aussi sauvages, aussi féroces que les sauvages du Minnesota. Et ensuite, vous avez les Bretons, plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les peaux rouges de l'Amérique septentrionale. Vous avez ensuite... l'Irlandais et l'Irlandais sauvage et l'Indien ne diffèrent pas beaucoup et par conséquent ils devraient être traités de la même façon. Et puis à nouveau Balzac, c'était des sauvages qui servaient Dieu et le roi à la manière dont les Mohicans font la guerre. Hein. Donc c'est très fréquent. On présente les Irlandais comme des Celtes impulsifs dans le New York Times et on présente les Bretons comme impétueux et émotifs. On dit volontiers des Irlandais qu'ils n'ont pas changé depuis l'Antiquité, depuis l'époque où César écrivait sur les Celtes, et on dit ça aussi des Bretons. Par exemple, Samuel Morton, en 1839, dit « En certains endroits, leurs traits physiques, leurs caractéristiques morales et leurs coutumes particulières se sont maintenus avec peu de changements depuis le temps de César. Il est probable que les Celtes les moins sophistiqués sont ceux du sud-ouest de l'Irlande, dont l'apparence et les manières sauvages, les huttes debout et les rites funéraires rappellent le souvenir de l'âge barbare. » Et là, bon, je reprends Balzac, c'est quand même le plus riche en citations de ce type. « La Bretagne est de toute la France le pays où les mœurs gauloises ont laissé les plus fortes empreintes. Les parties de cette province où, de nos jours encore, la vie sauvage et l'esprit superstitieux de nos rudes aïeux sont restés, pour ainsi dire, flagrants, se nomment le pays des gars. » Alors on appelle ça le pays des gars, d'après Balzac. « Lorsqu'un canton est habité par nombre de sauvages semblables à celui qui vient de comparaître dans cette scène, les gens de la contrée disent « les gars de telle paroisse ». Et ce nom classique est comme une récompense de la fidélité avec laquelle il s'efforce de conserver les traditions du langage et des mœurs gaéliques. » Voilà. Et alors, et puis je continue aussi, « Aussi, leur vie garde-t-elle de profonds vestiges des croyances et des pratiques superstitieuses des anciens temps. Là, les antiquaires retrouvent debout les monuments des druides, etc. » Donc voilà, donc il y a cette idée que les Bretons, comme les Irlandais, n'ont pas évolué depuis l'Antiquité. Les Bretons et les Irlandais partagent aussi quelque chose qui est une forte religiosité et une faible intelligence. Hein, je vous cite un petit passage de Jacobson, sur les catholiques irlandais. La cathédrale de Sainte-Marie, fréquentée par les Irlandais, ressemblait davantage à l'une de nos églises catholiques étouffantes de Boston ou New York, où l'intelligence est inversement proportionnelle au nombre de visages. Hein, donc il y a plein de monde, hein, mais il n'y a pas du tout d'intelligence. Et donc, un passage de... Alors, c'est plus Balzac, c'est Hugo. « Le paysan breton est ce sauvage, vénérant sa charrue d'abord, sa grand-mère ensuite, croyant à la Sainte Vierge et à la Dame Blanche, dévoué à l'autel et aussi à la haute pierre mystérieuse debout au milieu de la lande. » Bon, dévoué à sa grand-mère, bon, ça fait, c'est pas non plus un... Voilà. Voilà. Alors, autre chose qu'on trouve aussi chez les observateurs des Irlandais et des Bretons, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'État ni le sens de la loi. Dans le journal Atlantic Monthly, en 1866, on lit ceci. « Toutes les qualités qui font un républicain, dans le vrai sens du terme, font défaut à la nature irlandaise. Toute évocation de la loi provoque la paralysie morale de l'esprit celte. Le rebelle irlandais vit dans un monde d'irréalité à peu près inconcevable pour un cerveau saxon équilibré. » Voilà, je trouve ça pas mal. Et donc voilà ce que j'ai trouvé sur les Bretons dans le tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried. Ah non, il y a d'abord une petite phrase de Renan. « Il ne semble pas qu'à aucune époque, la race celtique ait eu d'aptitude pour la vie politique. » Bon, ça rejoint un petit peu ce que disait l'autre. Et puis donc, André Siegfried. « La race celtique en Bretagne perpétue à travers les siècles les traits d'une âme spéciale, faite d'idéalisme, d'enthousiasme sincère, de passion presque toujours désintéressée quand elle est collective, les traits d'une âme remarquablement riche en possibilités diverses, mais incapable de se discipliner elle-même, si bien qu'au moindre relâchement, elle risque de tomber dans la brutalité et, disons le mot, dans l'anarchie. Hein, voilà. Donc, les Celtes, il faut les tenir, hein, que ce soit les Irlandais ou les Bretons, il faut les tenir, sinon ils sombrent dans la brutalité et dans l'anarchie. En 1877, le New York Tribune identifie les Irlandais à une race qui éprouve une terreur irraisonnable de la loi. Et toujours Siegfried, maintenant à propos des Bretons, il y a dans la civilisation actuelle des Bretons des choses imposées du dehors et qui demeurent extérieures. La discipline sociale qui reste toujours plaquée et ne devient jamais intérieure et consentie. C'est pas tout à fait pareil, c'est la discipline sociale d'un côté, la loi de l'autre, mais enfin ça se rejoint. Et puis les uns et les autres sont excessifs, y compris dans l'égalitarisme. Donc je reviens au journal tout à l'heure, Atlantic Monthly. Aux Celtes, il manque la solidité, l'équilibre, le jugement des Anglo-Saxons. À nouveau Siegfried, libérée des disciplines extérieures qu'elle subit sans les accepter, on se demande vraiment si cette race conserverait l'équilibre nécessaire à la vie. L'équilibre qui manque aux uns et aux autres. Le Celte, à propos des Irlandais, le Celte s'imbibe avec avidité de la théorie de l'égalité et avec une vraie ardeur celtique la pousse à l'excès. À nouveau maintenant Siegfried à propos des Bretons. Sous des apparences de hiérarchie féodale et de cléricalisme, la Bretagne bretonnante est foncièrement égalitaire et presque partout, j'excepte le Léon, anticlérical. Elle est susceptible de mouvements collectifs spontanés que les démagogues utilisent et surexcitent, mais qu'ils ne créent pas. Enfin, donc, on va retrouver aussi d'autres traits, comme la paresse. Hein. Il y a beaucoup d'Irlandais américains, de jeunes gens qui grandissent dans nos cités, qui sont trop vains ou trop feignants pour travailler. Et selon Balzac, les Bretons... la paresse des Bretons... les Bretons construisent des talus par paresse d'enfermer les bestiaux sans les garder. Et Flaubert, le paysan breton travaille peu, mal, d'une façon ennuyée et sans s'inquiéter s'il pourrait mieux faire. Donc cette idée de la paresse. Voilà donc pour ces traits communs, ces celtes ténébreux. Là. Et il y aurait d'autres éléments que je n'ai pas trouvé à propos des Irlandais, qu'on doit trouver aussi, c'est cette idée que les Bretons vivent dans l'obscurité. Et à force de vivre dans l'obscurité, eh bien, ils ne voient plus. Hein, ils deviennent aveugles, aveugles et sourds d'ailleurs. Là, l'obscurité rend sourd également. C'est vraiment. Il y a beaucoup de. J'ai trouvé beaucoup de citations là-dessus, donc montrant, par exemple, donc c'est souvent à propos de la chouannerie, puisque les Bretons sont supposés avoir tous été chouans à lire les auteurs parisiens. Donc la chouannerie, ça a été l'absurdité en rut. Bâtissant contre la lumière un garde-fou de ténèbres. Je trouve ça joli, évidemment, c'est du Victor Hugo. Quand on oppose un Français et un Breton, donc un prince français, c'est un aigle, et un prince breton, c'est un corbeau. Donc, à défaut d'un prince français, on prend un prince breton. Faute de grive, on prend... Non, faute d'un aigle, on prend un corbeau. Donc toujours Hugo qui dit, et on se demande si cet aveugle, donc le breton, si cet aveugle pouvait accepter cette clarté qui vient de la France. Et ensuite, toutes les fois que le centre, toujours Hugo, toutes les fois que le centre Paris donne une impulsion, que cette impulsion vienne de la royauté ou de la République, qu'elle soit dans le sens du despotisme ou dans le sens de la liberté, c'est une nouveauté, et la Bretagne se hérisse. Laissez-nous tranquilles, qu'est-ce qu'on nous veut? Qu'est-ce qu'on nous veut? Point de suspension, surdité terrible des Bretons. Et donc, voilà, les Bretons sont sourds, ils sont aveugles, ils vivent dans l'obscurité, ils ne peuvent pas recevoir la clarté. Hein, et la clarté s'effraie elle-même, hein, le génie de la civilisation moderne s'effraie de pénétrer à travers d'immenses forêts primordiales. Les forêts primordiales bretonnes, bien connues, voilà, etc. etc. Hein. Et pourtant, la France est là qui porte la lumière. La France est comme un voyageur chargé de porter une lumière. Elle la garde d'une main et se défend de l'autre. Voilà donc pour cette ombre bretonne dont vous avez vu, il y a une grande partie qu'on peut comparer dans le cas breton, qu'on peut comparer aux Irlandais, une partie pour laquelle je n'ai pas trouvé de point commun avec l'Irlande. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est parce qu'il y a une spécificité française sur cette clarté hein, qui rayonne de la France. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler, comme disait... je ne sais pas quelle heure il est. Il est au Malheur. D'accord. Je suis un petit peu... Je suis un petit peu là-bas. Ouais, je suis un petit peu... Attends, bah, je vais accélérer un peu. Je ne sais pas si on peut parler... est-ce qu'on peut parler d'une racialisation comme le fait Pap Ndiaye, enfin comme le suggérait Pap Ndiaye, et comme on le fait à propos des Irlandais aux États-Unis pour parler des Bretons. Alors là, c'est un petit peu difficile. Pour moi, il y a racialisation à partir du moment où on considère que l'autre ne pourra jamais devenir comme soi. Et ça, on le trouve assez peu dans les descriptions. Mais on le trouve parfois. Par exemple, j'ai là, cette citation de Balzac. Hein. « Qu'espérez-vous faire avec de semblables bêtes hein, ?» en parlant des soldats bretons. « Pas grand-chose. Seront-ils jamais manœuvrés en présence des Républicains ?» Jamais. « Pourront-ils jamais seulement comprendre et exécuter vos ordres ?» Jamais. Et cette idée que ces gens-là, ils pourront jamais devenir comme nous. Mais ça n'est quand même pas ça qui domine. Il me semble que ce qui domine, c'est l'idée, non pas que les Bretons ne pourront jamais devenir des Français, mais c'est que l'idée que pour devenir des hommes, des vrais hommes, eh bien, ils doivent devenir Français, justement. Et pour devenir Français, ils doivent se départir de tout ce qui les caractérise, hein, de leur bretonnité, de leur langue, de leurs mœurs, de leur façon de manger, absolument tout est passé au crible et tout est refusé. Alors il y a là-dessus une expression qui est employée par Taguieff, qui est employée par Vieviurka, etc., que Pierre-Jean n'aime pas, c'est le racisme universaliste. Cette idée, donc, le racisme universaliste, c'est en gros, c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est l'opposition de l'ombre et de la lumière. Hein. C'est-à-dire, nous sommes les porteurs de l'universalisme, nous diffusons la lumière et nous la diffusons vers les ténèbres. Donc ça, c'est présenté comme du racisme universel. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement attaché à une expression ou à une autre, mais on voit bien quand même, en tout cas, qu'on n'est pas dans la situation des Irlandais, ni en Irlande, ni aux États-Unis. La situation des Irlandais en Irlande, c'est que l'intégralité de la société irlandaise autochtone est sous domination, hein, avec des colons qui imposent la loi et qui s'accaparent les terres aussi. Alors, on a pu parler parfois de colonialisme à propos de la Bretagne. Je ne parle pas seulement de la thèse militante de l'IDB des années 1970, mais au XIXe siècle, je sais pas, Michelet, par exemple, disait que la Bretagne était une colonie. On a des témoignages de préfets qui disent voilà, la Bretagne, c'est une vraie colonie. Eugène Weber dit que la Bretagne était une colonie. Bon, c'est une façon de voir, mais je pense que ça relève plus du registre métaphorique. Et quand bien même on pourrait employer, parce que la définition de la colonie n'est pas absolue, quand bien même on pourrait considérer qu'il y a une gradation dans les niveaux de colonisation et qu'il y a une forme de colonisation en Bretagne dans la mesure où il y a des confiscations de postes, etc., qui sont confisquées par des gens donc, qui viennent de Paris, mais où quand même il n'y a pas confiscation des terres. Donc quand bien même on pourrait considérer ça, il n'y a pas une mainmise totale sur l'ensemble de la société bretonne, et donc il n'y a pas un phénomène du style de ce que Allen appelle donc une oppression raciale. Il n'y a pas eu ça en Bretagne. D'autre part, les émigrés bretons ne se sont pas, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, ne se sont pas trouvés en arrivant en région parisienne, ne se sont pas trouvés ou ailleurs en France dans une société qui était structurée, hein, où la hiérarchisation était structurée par la race, comme ça a été le cas aux États-Unis. Ils n'ont pas été obligés d'écraser les Noirs ou d'autres, ou les Kabyles, on parlait des Kabyles, ou d'autres, ils n'ont pas été obligés d'écraser des gens pour se hisser au-dessus d'eux, comme les Irlandais ont considéré devoir le faire. Donc on a des histoires, on a des histoires différentes, et c'est ce qu'on va voir maintenant, donc dans les façons de montrer patte blanche. Hein, on a commencé par la noirceur, maintenant on va voir comment les uns et les autres montre patte blanche. Et je vais commencer par les Irlandais. Voilà, je suis allé un peu trop vite. Donc, Ce qui est très important, c'est que le premier congrès des États-Unis, en 1790, a voté que seules les personnes blanches pourraient être naturalisées comme citoyens. Comment définir la blancheur? Et donc, quand les Irlandais sont arrivés aux États-Unis, eh bien, ils se sont retrouvés dans une situation qui était intermédiaire. Ils ont été, alors je ne sais pas si je vais retrouver l'expression exacte, mais ils ont été considérés comme, non pas comme relevant de la race noire, mais une espèce de race intermédiaire entre les Noirs et les Blancs. Alors, les Irlandais qui venaient donc d'un pays où ils avaient été opprimés avaient une conscience, évidemment, de cette oppression. Et les Irlandais, bon, d'abord, il y a une histoire ancienne en Irlande, comme d'ailleurs, je crois, en Bretagne, mais je suis sûr, en tout cas, pour l'Irlande, il y avait pas d'esclavage en Irlande depuis le XIIe siècle. Et il y avait une sensibilité due à l'oppression dont ils avaient souffert de la part des Britanniques. Et de plus, Daniel O'Donnell, qui est considéré comme le libérateur de l'Irlande, en 1841, a pris l'initiative d'une adresse aux Irlandais des États-Unis, donc d'une pétition, qui a été signée par 60 000 Irlandais d'Irlande, et donc qui a été envoyée aux Irlandais des États-Unis pour les appeler à prendre position contre l'esclavage et pour l'abolitionnisme. Et O'Donnell avait dit même, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais en gros, il avait dit je serais prêt à abandonner la liberté de l'Irlande pour un seul esclave noir, quelque chose comme ça. Mais les Irlandais des États-Unis n'ont pas du tout apprécié qu'on... Alors d'abord, c'est la première fois qu'on s'adressait à eux collectivement, mais ils n'ont pas du tout apprécié qu'on leur demande cette prise de position qui, en fait, les distinguait du reste des Américains, alors qu'eux voulaient être des citoyens américains comme les autres. Donc ils n'ont pas du tout suivi ça. Et au contraire, ils sont allés dans le camp démocrate, qui, je vous le rappelle, était le camp qui était en faveur de l'esclavage, hein, ils sont allés dans le camp démocrate, qui regroupait des planteurs du Sud, et puis des gens, des petites gens du Nord, qui se trouvaient en fait en concurrence avec les Noirs libres. Et donc, les Irlandais, Ignatieff, donc, qui a écrit sur le cas des Irlandais, justement, aux États-Unis, les Irlandais ont voulu devenir blancs pour cesser d'être verts. Hein. C'est-à-dire, devenir blanc, ça voulait dire se sortir d'une condition qui était très proche de la condition des Noirs. Donc, ils ont été très actifs dans les luttes sociales, dans les luttes syndicales, dans les luttes de Dockers. Ils ont été très actifs au Parti démocrate et ils ont pris le parti de l'esclavage. Et je vous cite le témoignage d'un Anglais qui voyage aux États-Unis en 1843. C'est un fait curieux que le Parti démocrate et particulièrement la classe pauvre des immigrants irlandais en Amérique constituent les pires ennemis de la population noire et les plus grands avocats du maintien de l'esclavage des Noirs, davantage que toute autre portion de la population des États libres. Et donc, alors, ils vont rentrer au Parti démocrate, ils vont être donc actifs, et puis ils vont aussi être actifs, je vous le disais, dans les mouvements syndicaux, dans les grèves des docks. Et dans des grèves, on va envoyer des Noirs comme pour remplacer les Irlandais en grève. Et donc, il va y avoir des affrontements. Ça va commencer comme ça. Il va y avoir des affrontements entre grévistes irlandais et Noirs envoyés pour les remplacer. Et après, il va y avoir des émeutes terribles. Et là, c'est l'illustration que je vous montrais. Des émeutes terribles où beaucoup de Noirs vont être massacrés. Et où le rôle des Irlandais est manifeste. Hein. Quand on voit les noms des personnes qui ont été arrêtées pour avoir fait des violences, la proportion de noms irlandais est forte. Et comme disait un observateur, et la proportion de noms dont on peut dire avec certitude qu'ils ne sont pas irlandais est faible. Donc voilà, il y a une très, très forte proportion d'Irlandais. J'ai quelque part une lettre d'un Irlandais qui est... Je ne sais pas si elle est là. Voilà, un Irlandais de Philadelphie qui est horrifié par ce qui se passe. Et il dit ceci, donc dans une lettre du 22 août 1842 à propos des émeutes de Philadelphie, « Presque chaque personne qui s'est rendue coupable de cruauté et de violence envers les gens de couleur était un Irlandais. » Et il dit, il parle d'une haine féroce provenant du fait qu'une large proportion de Noirs peuvent trouver du travail alors qu'eux n'y parviennent pas. Et d'autres disent, les Irlandais haïssaient les Noirs non seulement parce qu'ils étaient en compétition avec eux pour le travail, mais parce qu'ils étaient trop proches d'eux socialement. Et donc, voilà, il les haïssait pour ça. Et ce qui est frappant, c'est les réponses judiciaires aux émeutes. Hein ? D'accord. Donc, oui, bien sûr, il faut qu'on puisse... Que les noirs soient des jaunes tapés par les verts. Oui, c'est exactement ça, oui. Ah oui, là, j'ai mal joué, j'ai donné trop de témoignages. Donc, voilà, les Irlandais bretons, les Irlandais, excusez-moi, immigrés, aux États-Unis, ont écrasé, si on peut dire, les Noirs pour se blanchir, si on peut dire. Et les Bretons, leur démarche a été de se blanchir, si vous voulez. C'est de devenir, comme je le disais tout à l'heure, de devenir français. Et pour cela, de gommer toutes les formes de leur spécificité. Que ce soit les immigrés bretons ou que ce soit les Bretons de Bretagne. Les immigrés bretons, au départ, on voit que comme les immigrés irlandais, ils continuent à parler breton entre eux, beaucoup. Hein, on voit ça, on a beaucoup de témoignages. Et ils vivent d'ailleurs dans une solitude linguistique qui a été décrite par Yves Le Gallo à propos des Bretons immigrés en Normandie, parce qu'on a beaucoup de lettres. On voit, ils sont dans la détresse parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Et d'ailleurs, ça a probablement permis de les exploiter davantage. Ils étaient totalement, totalement isolés. Mais ensuite, très vite, on va voir qu'ils vont rejeter la langue bretonne. Et on a des témoignages comme ça de gens. Et l'expression qui me revient, c'est Gaster Rastel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. L'émigré breton donc, qui vient vivre à Paris, il apprend le français tant bien que mal. On se moque d'ailleurs de son accent, de sa façon de parler, etc. Et quand il revient... Quand il revient en Bretagne, il dit « Ah, mais moi, je ne sais pas le breton, j'ai oublié, oh, j'ai tout oublié, etc. » Et puis, il est dans la cour d'une ferme, il est allé voir des amis, et puis, il marche sur un râteau, il se prend le râteau dans la tête. « Oh, Gaster Rastel !» Et bon, hein, il ne dit pas « putain de râteau », il dit « Gaster Rastel !» parce qu'évidemment, il n'avait pas oublié le breton. Et donc, il y a ce rejet de la langue, il y a le rejet de la religion qui se fait très vite, d'après Yves Le Gallo, parce que c'est aussi une des choses qu'on reprochait aux Bretons, comme aux Irlandais, c'était leur piété, leur religiosité. Et on s'aperçoit que les émigrés l'abandonnent très vite. Et puis, ils se fondent, en fait, dans les populations locales, mais avec deux canaux en région parisienne, le canal blanc et le canal rouge. Hein, le canal blanc va aller vers Paris, hein, et le canal rouge va aller vers la banlieue, vers la Seine-Saint-Denis. Et ils vont se fondre dans des milieux. Hein, et ils vont se fondre dans des milieux distincts, un qui va être un peu structuré par le Parti communiste et l'autre qui va être même très structuré par le communiste et un autre plutôt par l'Église ou par la droite. Voilà, donc pour le dire rapidement, pour les immigrés bretons, les Bretons de Bretagne, eux, comment est-ce qu'ils vont montrer patte blanche ? Eh bien, de la même façon, mais d'une façon très... sur un éventail très large de comportements, donc l'abandon de tous les comportements traditionnels qui s'est fait avec... Ah oui, ça, je voulais vous montrer. Bon, bah, tant pis, l'arrivée des Bretons. Là, on voit un immigrant breton qui arrive et donc il imite le cri du cochon. Hein, on voit le breton est très... On parlait de l'animalité simiesque de l'Irlandais. Il y a une animalité porcine du breton hein, qu'on retrouve sans arrêt quand on creuse un peu. Et là, on voit donc le breton qui fait le cri du cochon pour rappeler ses amis quand il arrive en Bretagne. Voilà, donc le breton, ce qu'il a fait, c'est aussi, quand il est arrivé à Paris, c'est travailler pour... pour progresser. C'est ce que faisait l'Irlandais tout à l'heure, accepter toutes les tâches, les basses tâches, s'il le faut, etc., et progresser comme ça. C'est ça qui a été finalement la démarche. Et en Bretagne, ce qui s'est fait, donc, ça a été une modernisation à un rythme extrêmement rapide. Et on se souvient de cette photo là qui représente qui symbolise un petit peu les mouvements de modernisation de l'agriculture bretonne dans les années 60. Il y a eu une modernisation très brutale en Bretagne et qui s'est accompagnée d'un abandon de toutes les caractéristiques de ce qui faisait la vie en Bretagne avant. Il y a bien sûr les pratiques agricoles des parents, il y a l'organisation des terres, le paysage qui est complètement bouleversé, la langue qui est abandonnée, la pratique religieuse, bien sûr, qui est abandonnée, la façon de manger, le mobilier, les maisons. Pendant un temps, c'était vraiment c'était une honte d'habiter dans une maison en pierre. Alors, si on avait les moyens, on construisait une nouvelle maison en ciment juste à côté, hein, et puis on laissait celle-là s'effondrer. Si on n'avait pas les moyens, on la crépissait. Hein, donc, tout a été fait à un rythme très rapide. Alors, ça correspond à une modernisation qui s'est faite partout en France, bien sûr, mais ça s'est fait à un rythme particulièrement brutal en Bretagne. Voilà. Donc, la pratique de la langue bretonne. L'évolution de la pratique de la langue bretonne. Donc, avec un effondrement de 80% en 50 ans. Et voilà le résultat. Pour les Irlandais, le résultat de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils appartiennent, ils sont une communauté aujourd'hui qui est visible et puissante. C'est une communauté qui appartient aux classes dominantes, mais qui n'est pas au sommet des classes dominantes. Il y a certains endroits auxquels les Irlandais ne peuvent pas accéder encore aujourd'hui. Ils ne sont pas tout à fait au sommet, bien qu'il y ait eu un président de la République d'origine irlandaise, bien que Grace Kelly se soit mariée au prince de Monaco, etc. Il y a certains endroits auxquels les Irlandais ne peuvent pas encore accéder. Mais c'est quand même une communauté, donc je répète, puissante, et visible, et c'est une communauté qui a conservé une conscience d'elle-même à dimension politique, puisque elle a soutenu notamment très activement la lutte républicaine en Irlande du Nord et a financé l'IRA de façon tout à fait importante. Et s'il y a eu le dénouement qu'on sait en Irlande du Nord, c'est très largement grâce à la communauté irlandaise qui a influencé la présidence de la République aux États-Unis et donc, par voie de conséquence, qui a influencé l'évolution du conflit. En Bretagne, on est dans une situation extrêmement différente. On a une culture en Bretagne, mais qui a toute une dimension de dérision, toute une dimension dérisoire. La culture bretonne, c'est une culture qu'on moque facilement. Vous savez, les Bretons, ils dansent avec les petits doigts en l'air. Les Bretonnes sont représentées toujours avec des coiffes de bécassines. Les Bretons eux-mêmes s'auto-représentent comme ça. Il y a une dérision envers eux-mêmes. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Dans la presse, il y avait une étude qui a été faite par Nathalie Dugalès sur la presse en Bretagne. La presse parisienne, quand elle parle de la Bretagne, la culture bretonne est vue avec une bienveillance amusée ou avec une certaine condescendance ou du mépris. Hein. La culture bretonne vue de Paris, c'est pas vraiment une culture. Puis il y a cette fameuse phrase du ministre on avait demandé une subvention pour la culture bretonne. Il y a culture bretonne, c'est de Védjian, il y a culture en Bretagne. Voyons, que je sache, Bach n'a pas composé pour le Bignou. Hein, voilà. Donc, de Védjian. Hein, voilà. Donc, voilà, il y a ce côté un peu dérisoire de la culture bretonne, bon, sur lequel on pourrait continuer. Il y a, sur le plan politique, de façon très différente de ce qu'il y a par rapport à l'Irlande, il y a une véritable impuissance. Bon, là, je vous avais apporté les résultats de l'UDB et des mouvements régionalistes aux élections législatives. Bon, ça n'atteint jamais les 5%. Hein, aux élections régionales, ça atteint les 5% quand une alliance avec d'autres partis. Hein, sinon, c'est des résultats qui sont très faibles. Donc, il y a une impuissance politique, bon, sur laquelle on pourrait développer, bien sûr. Et puis, il y a aussi une inexistence collective, hein, du fait, justement, du fonctionnement de la République, hein, où on ne reconnaît que des citoyens, que des individus, il n'y a pas de place pour les Bretons. Alors qu'il y a une place, par contre, pour d'autres, alors je ne sais pas quoi, communautés qui sont, par exemple, il y a des instances représentatives des juifs, des musulmans, etc. Et les Bretons n'ont pas d'existence. Et quand il y a eu cette chanson-là, vous savez, qui a été diffusée sur RTL, hein, qui est bon, on apprécie pas, c'est un humour un peu particulier. Connaissez-vous bien la Bretagne avec ses femmes en coiffe et ses hommes vêtus de paille? Leurs enfants sont hydrocéphales, les garçons sont aussi méchants que les filles sont sales. En Bretagne, on boit du jus d'andouille et du sirop d'artichaut, et nu dans la lande, ronds comme des chapeaux, on fait la nuit dans la lande des rondes à la lueur des phares aux pruneaux. Voilà, on voit des femmes promenant des porcs dans les landaux, on retrouve toujours les porcs hein, associés aux Bretons, pendant que leurs marins, enfin, etc., etc. Ah, les Bretons sont vraiment immondes, ils mangent leurs enfants au lieu de se fournir au tiers-monde. Et si on le leur reproche, ça les fait marrer, c'est leur humour moche, noir, comme leur marée. Bon, voilà, c'est de l'humour, bien sûr. Bon, c'est un humour qui peut choquer. Enfin, on peut s'imaginer que s'il y a eu ça à propos des Juifs ou à propos des Arabes ou des musulmans, le côté deuxième degré, je ne suis pas sûr qu'il aurait été perçu par tout le monde. Hein, il y aurait des gens qui ne l'auraient pas pris au deuxième degré. Alors, ce qui est frappant, moi, j'ai regardé des chats un peu là-dessus sur Internet, et on voyait des Bretons qui disaient « mais il faut avoir de l'humour, il faut relativiser, etc. » Et surtout, ce qui me paraît très important, c'est la réponse du procureur de la République. Il y a eu une plainte qui a été déposée. Et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, et après je m'arrête. Le contenu de la réponse, c'est ça. J'ai l'honneur d'un... Je porte à votre connaissance les termes de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 3 décembre, a précisé que la communauté corse, qui se définit par un lien de rattachement géographique et non par rapport à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, n'entrait pas dans le champ d'application de la discrimination, etc. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur les Bretons, ça ne tombe pas sur le coup de la loi. Ça ne peut pas tomber sur le coup de la loi parce qu'ils n'ont pas d'existence. Ils n'ont pas d'existence sociale. Géographique. Voilà. Oui, mais bon, mais les Bretons n'existent pas. La Bretagne existe, mais les Bretons n'existent pas. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi, je ne donne pas l'exemple.